Chant numéro 20. Au moment où celui qui fait chez nous le jour descend sur l'horizon, quittant notre hémisphère, et meurt de toutes parts la lumière du jour, le ciel qui prend de lui sa lumière première devient resplendissant bientôt et tout à coup, grâce aux nombreux flambeaux qui n'en répètent qu'un. C'est cet aspect du ciel qui me vint à l'esprit quand l'emblème du monde et de ceux qui le mènent mit fin à son discours, fermant son bec béni. Car presque au même instant, de tous ces vifs éclats devenus plus brillants, s'élevèrent des chants qui se sont envolés de ma faible mémoire. Ô doux amour sans fin, voilé dans un sourire, comme tu paraissais embrasé dans ces flûtes dont le son ne répond qu'à des saintes pensées. Puis, lorsque ces joyaux au doux et cher éclat, dont je vis s'enchasser la sixième lumière, imposèrent silence aux échos angéliques, je crus entendre au loin le bruit d'une rivière dont le flot transparent descend de pierre en pierre, de sa veine première indiquant l'abondance. De même que le son prend forme sur le cou du rebec, ou dans l'air que l'on fait pénétrer par l'étroite embouchoire de quelques chalumeaux, de même, impatient, ne voulant plus attendre, ce murmure montait et s'échappait de l'aigle, et sortait de son cou comme d'un tuyau d'orgue. Par la suite, il devint une voix qui sortit hors de son bec ouvert, sous forme de propos, tels que les attendait mon cœur, où je les mis. L'organe de mon corps, qui voit et qui supporte chez les aigles mortels le soleil, me dit-il, doit être examiné maintenant plus à fond. Car parmi tant de feux qui forment mon image, ceux qui font resplendir dans ma tête mon œil, de tous ces rangs divers sont les plus importants. Celui qui forme au centre la brillante prunelle, autant jadis chanta le Saint-Esprit et fit transporter d'une ville à l'autre l'Arche Sainte. Il connaît maintenant de son chant le mérite, pour autant qu'il dépend de son propre vouloir, puisque la récompense est en proportion. Parmi les cinq qui font l'arcade de mon cil, celui qui de mon bec se trouve le plus près, de la perte du fils a consolé la veuve. Il connaît maintenant combien il coûte cher de n'avoir pas suivi le Christ, puisqu'il a fait de notre douce vie et de l'autre l'épreuve. Et celui qui le suit sur la circonférence dont je viens de parler, fixé sur l'arc qui monte, a retardé sa mort par un vrai repentir. Il connaît maintenant que le juge éternel n'a point changé sa loi, quand de justes prières peuvent faire demain sur terre d'aujourd'hui. L'autre qui vient après, avec les lois et moi, voulut bien faire. Au vrai, les fruits en sont mauvais, et devint grec pour faire une place au pasteur. Il connaît maintenant que le mal qui provient de sa bonne action ne lui fait point de tort, bien que le monde entier en sorte ruiné. Et celui que tu vois là, sur l'arc qui descend, est Guillaume, que pleure aujourd'hui le pays qui ne fait que gémir sous Frédéric et Charles. Il connaît maintenant combien un juste roi est aimé dans le ciel, et il le laisse voir par tout ce beau semblant qui resplendit en lui. Et qui pourrait penser au monde plein d'erreurs que le Troyen Riffé est ici, dans leur cercle, le dernier de ces cinq heureux et saints éclats? Il connaît maintenant ce que là-bas le monde ne put apercevoir de la grâce divine, bien que son œil ne puisse arriver jusqu'au fond. et comme dans les airs volent les alouettes, tant que dure leur chant, puis se taisent, contentes de leurs derniers accords dont elles se délectent, telle apparut l'image où la joie éternelle semble se réfléchir, celle dont le désir peut rendre les objets à soi-même pareils. Comme j'étais alors par rapport à mon doute, de même qu'un cristal pour la couleur qu'il couvre, l'esprit ne put souffrir l'attente et le silence, mais poussa de sa bouche un « Qu'est-ce que tu dis ?» avec toute la force de son poids, dont je vis comme un grand tourbillon d'éclairs qui s'allumait. Bientôt, tandis que l'œil devenait plus brillant, ce symbole béni se mit à me répondre, pour ne pas me laisser en proie à ma surprise. Je vois bien que tu crois les choses que j'ai dites parce que je les dis, sans en voir le comment, et malgré ta croyance, elles restent cachées. Tu fais comme celui qui connaît une chose par son nom seulement, sans voir sa quidité, tant que quelqu'un ne vient pour la lui faire voir. Regnum Celorum peut souffrir la violence d'une vive espérance et d'un amour ardent, qui suffit pour gagner la volonté divine, mais non pas comme un homme abattu par un autre, mais parce qu'elle-même admet d'être vaincue, et vaincue, elle vint par sa bénignité. Décile, la première âme ainsi que la cinquième vient de t'étonner, car tu ne pensais pas aller voir orner ainsi la région des anges. Mais ils n'ont point laissé leur corps, comme tu crois, païen, mais bien chrétien, et croyant fermement aux pieds martyrisés ou promis aux martyrs. L'une, de cet enfer où l'âme ne se rend jamais à ses devoirs, vint retrouver sa chair, récompense accordée à la foi d'un vivant, à la foi d'un vivant qui de tout son pouvoir sollicita de Dieu qu'il fût ressuscité, afin qu'on pût ainsi corriger son vouloir. Cet esprit glorieux dont il est question retourna dans sa chair et n'y resta que peu, assez pour croire en lui qui le pouvait sauver, et sa foi s'embrasa dans les puissantes flammes de l'amour vrai si fort qu'à sa seconde mort il méritait déjà de s'unir à nos joies. L'autre, par un effet de la grâce qui sourd d'une source profonde et telle que jamais l'œil mortel n'en a pu considérer le fond, sur terre consacra son cœur à la justice. Et puis, de grâce en grâce, il vint à voir en Dieu cette rédemption qui devait arriver. Cela fit qu'il y crut et ne put tolérer davantage l'horreur du vilain paganisme et blâma tant qu'il put le peuple perverti. Lors, il fut baptisé par les trois belles dames qu'on te montra tantôt près de la roue à droite, plus de 1000 ans avant qu'existât le baptême. Prédestination, oh comme ta racine est loin de se montrer à nos pauvres regards, qui ne voient qu'un aspect de la cause première. Et vous aussi, mortels, soyez plus circonspectes dans votre jugement, car nous qui voyons Dieu, nous ignorons encore qui sont tous les élus. L'ignorance, pourtant, nous est bien agréable, puisque notre bonheur est fait de cette joie de vouloir nous aussi ce que Dieu même veut. C'est de cette façon que la divine image, afin de rendre clair mon regard empêché, venait de m'apporter le suave remède. Et comme un bon joueur de guitare accompagne la voix du bon chanteur du bruissement des cordes, en faisant que son chant donne plus d'agrément, ainsi je me souviens que pendant qu'il parlait, j'apercevais la double et heureuse lumière, comme le clignement simultané des yeux, accompagner ses mots de son jeu d'étincelles.